Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission enregistrée en différé. Et voilà, toujours du contenu original et unique dans les deux heures d'émission qui nous attendent. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec la musique. Première doublette bien dynamique avec les Suédois de Vatain, le groupe de Black qui nous sort son nouvel effort studio The Agony of Ecstasy of The Agony and Ecstasy of Vatain, une sortie Nuclear Blast. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce groupe ? Eh bien, c'est le 7e album studio. Voilà, à peu près 25 ans de carrière. Globalement, on est sur un black toujours assez frontal, avec une alternance de ralentissement de tempo et mettre des atmosphères assez mid-tempo. Ça a perdu un peu de sa crasse et de sa grandiloquente noirceur. Alors, on est plus sur du evil folk dans le style. Même si ça reste un groupe toujours assez agressif sur scène. Voilà pour Vatain. Et en doublette, avec les Suédois, les Espagnols de Crizix, le groupe de trash qui sort son nouvel effort studio Full HD, toujours sur label français Listenable Record. Et on s'écoutera le titre Escape the Electric Fate. Vatain avec le titre Ecstasy in Night Infinite, juste avant. Et pour ouvrir l'émission, sur ce, bienvenue à toutes et à tous. suivante, on commence déjà les bons grands écarts stylistiques comme j'adore, avec la première nouveauté pour ce soir, Terror, le groupe culte de hardcore américain qui accuse déjà une vingtaine d'années de carrière. Ils sortent là leur 10e album studio, et voilà, 10 titres pour une vingtaine de minutes, un album plutôt court avec des morceaux ultra directs. Pour le coup, on est même rendu à faire une doublette dans la doublette, hein, Pain into Power. Et on enchaînera avec le titre Can't Help But Hate. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh ben, Pain into Power, le titre fait à peine une minute, c'est assez radical. Et Can't Help But Hate, eh ben, c'est le titre en duo avec Corpse Grinder. Là, on est sur 1 minute 30 de son, je crois. Et on est limite sur du Power Violence, du coup, Hardcore Death. Le crossover est juste parfait dans le style et ça fait méchamment bien le taf. Et en doublette avec Terror, on retrouvera les Allemands de The Spirit pour quelque chose de bien différent. Le groupe de Melodic Black Death allemand qui, de forte inspiration, Toolkandra et encore plus Dissection. Ils sortent le titre Of Clarity and Galactic Structures et on s'écoutera le titre The Climax of Dejection, Terror The Spirit. C'est parti. Continue à dérouler l'émission tranquillement avec maintenant Mirror et Corpsest. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux formations ? Mirror, c'est un groupe de heavy qui nous vient de Chypre, fondé par un ancien bassiste d'Electric Wizard. On est sur du heavy, heavy occulte à la sauce revival, voilà, joué par des Xikos bien expérimentés. Le vocaliste, bah, qui comme tous les autres Xikos n'est pas tout jeune, a un timbre assez grandiose et théâtral. On est sur quelque chose d'assez inspiré King Diamond, même si ça pousse pas aussi haut dans les aigus. Donc voilà, du bon heavy old school bien efficace. Corpsest, ensuite groupe de death metal pardon, qui nous vient de Finlande. Quatrième effort studio. On est sur une grosse inspiration death à la sauce Dysma, Incantation, Father Befold, avec même quelques petits éléments. Doumisant, bien asphyxiant et bien oppressant, donc voilà, Corpsest c'est une ambiance bien menaçante. Voilà pour la présentation de la doublette suivante, Mirror All Streets Are Evil, extrait du nouvel effort studio The Day Bastard Leader Die. Corpsest, ensuite Sublime Indignation, extrait de l'album Succumb to Rats. C'est parti. We'll be right back. the light is gone, everything I admitted to me is gone. So hey. That's all you started with, too. Then I've come full circle. It's time for me to die. On fait une subtile pré-entrée dans la spéciale française avec deux formations qui nous viennent du Canada et du Québec. Tout d'abord, Incandescence, projet black metal québécois formé autour du batteur Philippe Boucher, qui est notamment le cogneur depuis une dizaine d'années chez Beyond Creation. Voilà, du black qui met forcément en avant les parties de batterie. Je trouve une froideur d'inspiration Balrog, avec des textes chantés en plus en français. Et en doublette avec Incandescence, Hyperia, groupe beaucoup plus récent, formé en 2018 du côté de Calgary au Canada. On est sur un heavy speed trash mené par une vocaliste. Une palette vocale très impressionnante, on va du son rocailleux à la Crystal Viper, à même des guttes assez extrêmes façon Holy Moses, et des bons heavy screams bien agacés. Donc voilà pour la doublette suivante, Incandescence, on s'écoutera le titre La Spirale de l'Échec, extrait de l'album Le Cœur de l'Homme, et Hyperia, Just for Fun, la cover de ABBA avec le morceau Gimme Gimme Gimme, voilà, et l'album s'intitule sinon Silhouettes of Horror, c'est parti. Yeah! Allez, vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission différée jusqu'à 23h. Et après cette pré-introduction à l'aspect française, on passe à Undeath, formation ricaine depuis 2018 d'ailleurs. Ils sortent là leur second album studio. On est sur du death ultra crunch et groovy dans les influences. On retrouve clairement du Cannibal, du Morbid Angel. Voilà, c'est plutôt très très bien fait ce que nous propose Undeath. Et voilà, ce nouvel effort studio It's Time to Rise from the Grave nous propose du death vraiment cradingue, limite gordesse. Et en doublette avec Undeath, une véritable entrée dans l'aspect français, cette fois avec Helios, la formation nanto-parisienne de black grandiose, black sympho, un peu prog, ultra riche dans les instrus, et puis un vocaliste qui se fait plaisir à tous les niveaux. Un album très généreux, 8 titres qui globalement atteignent les 9-10 minutes chacun, donc plus d'une heure de son. Voilà, les présentations sont faites pour la doublette à venir. Undeath, on s'écoutera le morceau Enhancing the Dead, une sortie Prosthetic Records, et Helios, l'insondable crépuscule des morts, extrait du nouvel effort studio Contre ma lumière. C'est parti.